19h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. Revenons aux fondamentaux du magazine d'archéologie de France Culture, la fouille. Si les archéologues travaillant en France ont depuis longtemps repris leur chantier, ceux œuvrant dans des contrées lointaines en sont totalement exclus. Une fouille, j'en cherchais une, exemplaire et remarquable, exotique et lointaine, spectaculaire et hors norme, mais surtout encore inconnue. Je l'ai trouvée au hasard d'un coup de téléphone, au-delà des chutes du Nil et de la troisième cataracte, la fouille d'une ville, une cité sacrée, non pas égyptienne mais nubienne, le grand œuvre d'une mission, tout à la fois suisse, française et soudanaise. Et c'est ce soir un grand plaisir que d'accueillir Dominique Valbel, Charles Benet. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Vincent. Professeur émérite à l'Université de Genève, membre étranger de l'Institut Charles Benet, je viens de découvrir que vous êtes désormais dans le dictionnaire, le Petit Larousse, dont le parrain n'est autre que Jean-Noël Jadenet. Quoi qu'il en soit, merci d'être ce soir avec nous, en direct et au téléphone, de la Suisse. En face de moi, dans le studio de France Culture, Dominique Valbel, vous êtes égyptologue, professeur émérite à l'université de Paris-Sorbonne et ancienne présidente de la Société française d'égyptologie. Mais j'ai surtout en mémoire vos recherches sur le site de Serabit el-Kadim, au cœur du Sinaï et daté du Moyen Empire. Aujourd'hui, c'est un livre, un beau livre, que vous venez tous deux d'écrire avec Séverine Marquis, Le Jujubier, ville sacrée des pharaons noirs, publié aux éditions Kéops. Dominique Valbel, nous allons parler d'une cité, une ville, aujourd'hui dénommée Doukigel. Que signifie ce toponyme ? Doukigel signifie la colline rouge. Et ce nom a été donné par les amoncellements de moulapins qui, en général, sur les sites archéologiques de la vallée du Nil, désignent des endroits où se trouvent des temples, puisque ça correspond à un certain nombre d'offrandes faites aux dieux de ces temples. Charles Bonnet, nous sommes entre la troisième et la quatrième cataracte, mais où ça se situe à peu près, donc où cette cité se situe-t-elle à peu près? Alors à peu près à 400 km au sud de la frontière égypto-soudanaise et à 500 km au nord de Khartoum. La religion, nous allons bien sûr en parler, c'est une partie de l'émission. Mais parlons de fouilles et de vous, Charles Bonnet. Si vous êtes aujourd'hui dans le dictionnaire, c'est que vous fouillez et encore fouillez depuis les années 1960, notamment au Soudan. Écoutez, oui, j'ai eu l'occasion de fouiller dans de nombreux pays, d'acquérir une expérience, et dans ce domaine, ça joue un certain rôle, et une passion surtout, celle de découvrir, de comprendre, et cette passion n'est pas encore assouvie, même si je suis aujourd'hui un vieux bonhomme. Alors chaque année, vous vous rendez de manière très régulière sur le terrain ? Oui, depuis 55 ans au Soudan, à raison de 3 mois par année, c'est considérable, c'est presque une deuxième vie. Des villes, vous en avez plusieurs à votre actif ? Oui, j'en ai plusieurs, parce que j'ai eu l'occasion de fouiller ma ville de Genève pendant plusieurs décennies. J'avais la responsabilité du patrimoine de cette région, et puis de nombreuses villes en Europe, et naturellement dans la région de Kerma, en Égypte aussi, et dans la région de Kerma, j'ai eu la chance de découvrir, avec Dominique Valbel, une ville pré-Kerma, c'est-à-dire antérieure aux deux villes dont nous allons parler aujourd'hui. Et cette ville précairement est très ancienne, elle est vers 3000 à 3500. Il s'agit plutôt d'une agglomération dont les murs étaient d'une dimension considérable, 8 mètres d'épaisseur, et où on a retrouvé de nombreux quartiers de huttes et des dépôts permettant de comprendre qu'il y avait des silos, des réserves alimentaires pour ces populations. Mais aujourd'hui, on va parler de deux villes qui se trouvent curieusement l'une proche de l'autre. En fait, il s'agit de deux métropoles, deux villes considérables pour l'époque, puisqu'elles datent des environs de 2000 à 2500 avant Jésus-Christ, et elles sont à 700 mètres l'une de l'autre. Alors, on a d'abord étudié la ville de Kerma, qui se trouve un peu plus au sud, puis actuellement, nous travaillons dans la ville de Dougriel, qui est une ville qui se trouve donc très proche de Kerma, la capitale de la Nubie. Kerma, donc, c'est la capitale nubienne du royaume de Kush, c'est bien ça ? Et qui a été fouillée pendant des années par la mission suisse. Par la mission suisse, mais nous avons été précédés par un archéologue américain, qui était un égyptologue très reconnu, qui a fouillé une partie de cette ville, et entre autres, un monument très spectaculaire que les premiers visiteurs du 19e siècle ont découvert, les visiteurs européens, et qu'on appelle la Defufa, c'est-à-dire un immense bâtiment en briques crues qui s'élevait à plus de 20 mètres de hauteur, mais qui aujourd'hui est encore conservé sur 14 mètres de hauteur. Il s'agit du temple principal de la ville, et nous l'avons découvert, principal de la ville de Kerma. Et actuellement, nous travaillons à Dougriel, à 700 mètres donc. Dominique Velbel, Kerma serait détruite par une expédition égyptienne ? Oui, les Égyptiens, pendant tout le Moyen-Empire, avaient comme obsession de vaincre cette capitale nubienne de Kush. Et c'est finalement Thoutmôsis Ier, au début du Nouvel Empire, qui y parviendra vers le milieu du deuxième millénaire. Oui, 1450, j'ai noté, oui. À peu près. Revenons à Dougriel. Quelle est donc sa chronologie ? Est-ce que vous avez trouvé les débuts, l'émergence de cette cité, Charles Bonnet ? Nous y travaillons depuis 20 ans. Mais en archéologie, comme vous le savez aussi bien que moi, le temps ne compte pas et on a besoin d'années et d'années, de saisons et de missions successives pour arriver à comprendre. Dans le cas de Dougriel, nous sommes en plein dans le travail d'analyse et actuellement, on a fait au nord du site un énorme sondage, un sondage stratigraphique qui nous permet de retrouver des structures. Tous les 20 centimètres, on retrouve différents bastions des défenses de la ville. Et on s'est aperçu que cette ville avait existé il y a au moins 2000 ans. Et puis, on continue à descendre en profondeur et probablement nous arriverons à 2500 avant Jésus-Christ, comme on l'a vu à Kerma dans la ville d'à côté, c'est-à-dire durant l'ancien empire en Égypte. Donc, vous avez probablement commencé par les niveaux les plus récents. C'est le contrôle des Égyptiens qui rêvaient de contrôler cette région à cause des produits précieux qui arrivaient du sud, l'or, les esclaves, je parle de produits, mais enfin maintenant, on a une conscience que ces esclaves étaient des hommes comme vous et moi. Et j'ai vu encore des esclaves dans la région de Kerma, des descendants d'esclaves qui travaillaient dans plusieurs familles et qui étaient tout à fait bien et heureux de vivre dans ce cas-là. Mais la colonisation égyptienne s'établit vers 1500 avant Jésus-Christ, et il y a création d'un Ménénou, c'est-à-dire une ville fortifiée en territoire conquis, et cette ville fortifiée, qui est une institution, va être l'endroit où on déposera, avant de les transférer vers l'Égypte, les tribus, qui sont récoltés sur place, c'est-à-dire sous la forme de blé, d'animaux et de bien d'autres produits. D'or. Et de l'or aussi, oui. Après 4 siècles, c'est une nouvelle puissance qui apparaît en Nubie. Ce sont les pharaons noirs et qui vont assez vite prendre le contrôle de l'Égypte. Ils seront donc pharaons de l'Égypte et de la Nubie soudanaise. On va y revenir. Dominique Valbel, par chance, on connaîtrait aussi le nom ancien de la cité ? Par l'épigraphie, donc, j'imagine. Absolument. C'est à partir du règne d'Hatshepsut qu'apparaissent sur des monuments donc, de type égyptien, après la conquête de Thoutmôsis Ier, ce nom qui est d'abord, comme toujours en Égypte, un épithète divin, une épithète divine, et qui devient le nom de la ville de manière officielle progressivement. Et que signifie ce nom ? Alors, ce nom, c'est le jujubier. Alors, très longtemps, on a cru qu'il s'agissait de la maison du jujubier, parce que tardivement, les Égyptiens ayant confondu avec un site existant en Égypte, ont lu... ont compris que ça signifiait la maison du jujubier, et tous les textes locaux montrent clairement qu'en fait c'était le jujubier, donc cet arbre qui est très fréquent dans l'ensemble de la vallée du Nil et particulièrement sur le site de Kerma. Le fameux Spina Christi, l'épine du Christ. Absolument. Et cet arbre était sacré ? Alors, personne n'en parle, hein, mais en même temps, c'est évident et on n'en a aucune preuve. Voilà. Les relations entre Soudan et Égypte, c'est une longue histoire de domination. Domination qui ne fut pas qu'égyptienne, loin de là. L'histoire, je pense, vaut la peine d'être racontée. Dominique Valbel, Charles Bonnet ? Je crois qu'il était en train de nous la raconter, Charles ? Non. Charles Bonnet est-il encore avec nous ? Oui. Oui. Est-ce que vous pouvez nous raconter ces liens donc de domination entre d'un côté l'Égypte et la Nubie ? C'est assez intéressant visiblement cette histoire de domination, elle ne fut absolument pas que égyptienne. Dominique Valbel. Bon, apparemment, on a un petit problème de son. Pour moi, c'est vraiment un échange permanent entre la Nubie et l'Égypte. Il y a une fascination réciproque et un apport réciproque, culturel, économique et religieux en permanence. Et on aura l'occasion de le recroiser à plusieurs reprises, je pense. En tout cas, donc, vers 1450, 1400, 1500 avant notre ère, les Égyptiens sont en Nubie. D'un seul coup, plus tard, on va avoir des Nubiens en Égypte ? Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, si on lit la stèle de Pianki qui raconte la victoire des Égyptiens, des Soudanais en Égypte, on voit clairement que les Soudanais, les rois nubiens, viennent en Égypte pour défendre les valeurs égyptiennes qu'ils ont acquises pendant la colonisation égyptienne et qu'ils rendent au pays contre les Assyriens. C'est ce qu'on appelle les fameux pharaons noirs, Charles Bonnet ? Tout à fait. Et grâce aux éléments que nous avons découverts à Loukigel, on peut maintenant beaucoup mieux connaître ces pharaons noirs et leurs réalisations. Dominique Valbel, cette dynastie, la 25e dynastie, donc, qui est une dynastie exclusivement nubienne, on connaît exactement sa chronologie ? On connaît les pharaons ? Alors, ceux de la 25e dynastie, oui. Simplement, il y a plusieurs rois nubiens qui précèdent le premier pharaon noir considéré par les Égyptiens comme étant le fondateur de la 25e dynastie, Shabaka. Par exemple, Pianki, qui a de toute évidence conquis l'ensemble de l'Égypte. Sa stèle est très claire sur toutes les étapes de cette conquête, ne fait pas partie de cette 25e dynastie. Mais on les connaît soit par des monuments qui ont été trouvés au Soudan, soit par leur sépulture dans la région de Jebel Barkal. La domination égyptienne, nous l'apercevons bien à Loukigel. Elle a été même d'ailleurs l'objet d'un récent volume de votre part, Charles Bonnet ? Oui, tout à fait. Et nous avons eu la chance de découvrir plusieurs temples de cette époque avec des inscriptions très nombreuses qu'a étudié Dominique Valbel. Mais pour nous, Loukigel, c'est surtout une extraordinaire découverte d'une cachette de 40 fragments de magnifiques statues monumentales, 7 statues que nous avons pu reconstituer et qui sont aujourd'hui le trésor centrale du musée de site à Kerma. Et ces statues nous renseignent sur ces pharaons noirs et nous renseignent sur la suite de l'occupation égyptienne au Soudan, puisque c'est à l'inverse une occupation soudanaise qui se fait en Égypte. Et la découverte de cette cachette a apporté énormément sur le plan historique, d'une part par la qualité artistique de ces statues splendides, mais aussi par les rois représentés eux-mêmes, qui étaient relativement mal connus, à part le fameux Taharqa signalé dans la Bible. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. Charles Bonnet, vous faites cette découverte en 2003, je crois, 40 fragments de cette statue monumentale appartenant donc à deux rois ayant dirigé des expéditions et la destinée de l'Égypte et de la Nubie, c'est bien ça ? Tout à fait. D'ailleurs, leurs successeurs, qui étaient nubiens, ont pensé qu'ils continuaient à être rois d'Égypte et de Nubie, puisqu'ils portaient la statue égyptienne de Haute et de Basse-Égypte. Donc, on a là vraiment une situation politico-militaire tout à fait extraordinaire. Et cette cachette était parfaitement conservée. On a pu l'étudier en détail et voir que les statues étaient décorées de plaquettes de lapis-lazuli et surtout d'une quantité incroyable de feuilles d'or qui soulignaient certains éléments des statues de granit noir. Alors pourquoi ont-elles été brisées et jetées dans une fosse ? On doit y voir là un acte iconoclaste. C'est un acte iconoclaste terrible, puisque non seulement les statues ont été brisées, mais c'est la destruction de la ville de Doukiguel à laquelle on assiste au moment où il y a réunification en Égypte, au moment où l'Égypte reprend un certain pouvoir. Elle prépare une expédition militaire qui va détruire une grande partie des villes importantes du nord de la Nubie. Et c'est ainsi que Psamétik II prend le contrôle de cette région et non seulement détruit les bâtiments en Nubie proprement dite, et Doukiguel plus particulièrement, mais également en Égypte. Ce qu'il y a d'extraordinaire à Doukiguel, c'est que ce pharaon non seulement ne se contente pas de détruire la ville proprement dite, mais détruit ses temples. C'est ainsi que nous avons repéré en plusieurs endroits les traces d'incendies et même d'excavations en profondeur des Égyptiens qui veulent détruire jusqu'au souvenir des temples indigènes de la ville de Doukiguel. Un vrai iconoclasme. Dominique Vabel, que sait-on sur cette expédition militaire égyptienne ? On doit avoir des textes. Oui, alors on a une grosse documentation puisqu'il y a plusieurs stèles. Il y a également une mention dans Hérodote. Il y a des graffitis des membres de l'armée sur les colosses d'Abou Simbel. Enfin, il y a toute une documentation sur le sujet. Ce qui nous réconforte un tout petit peu, c'est que quand Psamétik II est rentré en Égypte, il ne lui restait plus qu'un un an et demi à vivre. Charles Bonnet, cette cité, c'est surtout une architecture absolument inconnue que vous avez mise au jour, une architecture très très complexe. Oui, c'est non seulement à cette période où cette architecture est nettement accessible et où on a pu étudier en détail plusieurs temples circulaires. Et vous savez que les temples circulaires n'existent pas en Égypte, donc et le long de la vallée du Nil. Donc on a là des exemples uniques d'une architecture inconnue. Et cette architecture remonte aux périodes les plus anciennes, probablement vers 2500 avant Jésus-Christ, même plus tôt encore. On est donc au début de l'organisation des hommes en Afrique centrale, et si on connaît bien les influences de l'Égypte sur la Nubie, le long de cet axe nord-sud, le long du Nil. On a aussi un axe est-ouest qui part de la mer Rouge et qui rejoint le Darfour. Et probablement, on a toute une part du continent africain qui est encore à découvrir. Vous savez que le choix des historiens a été surtout fait en fonction des résultats extraordinaires de l'Égypte et qu'on a absolument abandonné les études de l'Afrique noire, dite barbare, ce qui ne paraît pas être le cas, puisque nous étudions une ville organisée de manière sophistiquée, et c'est pourtant une capitale noire. Alors, c'est une architecture vraiment exceptionnelle, circulaire. C'est assez incroyable ce que vous avez dégagé. Vraiment, j'ai été très bluffé. De quelle date exactement datent ces monuments? Alors, on commencera vers 2500 avant Jésus-Christ, jusque vers 200 ou 300 après Jésus-Christ. Une collègue anglaise qui s'appelle Julie Anderson, qui travaille au British Museum, vient de découvrir un immense temple circulaire d'époque méroïtique, c'est-à-dire des environs du début de notre ère. Et on a là la preuve que c'est une architecture qui va se maintenir au Soudan, une architecture indigène. Charles Bonnet, Oui. À quoi peut-on rattacher ces très belles constructions ovales ou circulaires? Une sorte de tradition architecturale appartenant, par exemple, au cœur de l'Afrique que l'on n'aurait pas encore découvert? Alors, c'est tout le côté extraordinaire de Kerma et d'Ouguiguel. À Kerma, on a l'influence égyptienne et les bâtiments sont quadrangulaires. Le temple principal est rectangulaire. Et à Ouguiguel, à 700 mètres, on a une ville où tous les bâtiments sont circulaires ou ovales. Et on a là sans doute la relation avec l'Afrique noire, l'Afrique centrale, qui reste encore à découvrir. Et même si au cours du 18e, du 19e, surtout, et du 20e siècle, on a une architecture dite africaine dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, par exemple, on est très loin de ce que nous sommes en train de découvrir parce que c'est une architecture très sophistiquée. On voit par exemple des monuments de 50 à 70 mètres de diamètre avec plusieurs centaines, voire milliers de colonnes en briques crues. Notre chance est justement, sur le plan archéologique, d'étudier ces bâtiments qui sont en briques crues et on arrive à retrouver la forme de ces briques, à les dessiner et à créer une documentation exceptionnelle sur cette architecture qui, plus loin en Afrique noire, en Afrique centrale, est souvent simplement de la boue séchée, de la terre maçonnée, et qu'il est beaucoup plus difficile de reconnaître sur le plan de l'architecture. Là, on retrouve des milliers de briques que l'on dessine et que l'on étudie. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que vous fouillez, vous conservez, mais vous restaurez aussi. Charles Bonnet? Ah, je crois qu'on a perdu Charles Bonnet pour l'instant. En tout cas, Dominique Valbel, tout ça, ce sont des temples. Qui honore-t-on comme dieu dans cette Nubie, dans ce Soudan? Des dieux égyptiens ou tout au contraire des dieux nubiens? Alors, sur les temples de type égyptien, comme sur les temples égyptiens des époques précédentes, le dieu principal est clairement Amon, sauf à l'époque amarnienne où on a Aton aussi, puisque c'est l'un des témoignages les plus méridionaux du culte amarnien. Mais sur les dieux des temples circulaires, les dieux vraiment très autochtones, là, on ne sait rien pour le moment, puisqu'on n'a retrouvé ni texte, ni sculpture. Charles Bonnet, puisque vous êtes revenu en ligne, je vous repose une question. Dans un temple, par exemple le temple central du Nord, le système de circulation, pour ne pas dire le système de circumdéambulation, semble particulièrement complexe. On sillonne on passe entre des colonnes avec une sorte de courbure. C'est très impressionnant. Oui. C'est pourquoi je crois pouvoir dire que on a affaire à une civilisation africaine d'Afrique centrale, parce que on ne peut pas avoir une architecture aussi sophistiquée sans de longs siècles d'élaboration. Donc actuellement, nous étudions en détail cette architecture qui est très impressionnante, et par exemple les installations dans les temples nous montrent des circulations circulaires avec de nombreuses portes qui bloquent le passage pour des raisons liturgiques sans doute. Et nous avons trouvé par exemple le Saint des Saints, où se trouve un socle rectangulaire avec un autel circulaire au-dessus et un baldaquin qui protège l'ensemble. Charles Bonnet, toutes ces découvertes, comme celle la plus ancienne d'ailleurs, posent à mes yeux une grande question, celle de la formation des États en Afrique. Sujet semble-t-il totalement passé sous silence. Oui, c'est passionnant. C'est d'ailleurs ce qui, avec tant d'années, nous maintient sur le même site. C'est-à-dire qu'on se rend compte que, alors qu'on aurait dû entrer dans un territoire barbare, on découvre un État sophistiqué qui commence à une période bien antérieure à l'histoire africaine. Et ce qui nous permet, mes collègues et d'autres collègues nombreux, à construire une histoire soudanaise, c'est un point fondamental qui est sans doute pour les générations futures l'un des grands points pour comprendre le développement universel de l'homme. Charles Bonnet, Dominique Valbel, merci beaucoup. Je rappelle donc le titre de votre livre, Le Jujubier, ville sacrée des pharaons noirs, que vous avez donc écrit avec Séverine Marquis et publié aux éditions Kéops. Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Élise Leu, et bien entendu avec Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de franceculture.fr et l'application Radio France, ou retrouver plus de 300 archives sur le site inar.fr. La semaine prochaine, place à une autre grande découverte, mais au pied des montagnes noires.